Bonjour à tous, je suis Eric Lemerdy, consultant de chez Valtech, et je reçois aujourd'hui Eric Lefebvre et Laurent Boussavit qui vont se présenter immédiatement. Bonjour Eric, je suis donc Eric Lefebvre-Ardan, je travaille pour une société qui s'appelle Tech4Pointe, mais j'ai longtemps été ton collègue à Valtech. Je m'occupe également de la partie marketing avec Nancy Van Schodewaert de la conférence Agile 2009. D'accord, donc c'est pour ça que je te reçois ainsi que Laurent ce soir. C'est ça. Salut à tous, salut Eric. Donc je suis Laurent Boussavi, j'ai un certain nombre de casquettes différentes. On va dire celle pour laquelle je suis là ce soir, c'est en partie en tant que membre du board de l'Alliance Agile, donc qui est un peu le product owner de cette conférence. J'ai aussi des activités au sein du bureau de l'association Agile France, donc un peu un espèce de pont communautaire entre les deux continents, ce qui est une des raisons pour lesquelles je me suis dit tiens, c'est intéressant de venir parler d'Agile 2009 et voir si on peut envoyer du monde dans des avions, tant pis pour le carbone. D'accord, donc dans un premier temps, pour ceux qui connaisseraient pas du tout la conférence Agile, est-ce que vous pourriez la présenter rapidement, en quelques mots quoi. Bon, je vais faire mon boulot de marketeur, mais Laurent est sans doute mieux placé que moi pour en parler en détail. Donc Agile 2009, c'est la grande conférence de l'année sur l'agilité, sur les méthodes de développement qu'on disait avant légères. C'est une conférence qui a évolué de conférence plus spécialisée sur XP, mais qui maintenant parle de toutes les méthodes agiles. On y trouve à peu près le quota des gens qui comptent sur l'agilité, mais aussi beaucoup de personnes beaucoup moins connues. Et surtout, on y trouve à peu près entre 1500 et 1600 participants, donc des gens comme vous et moi, qui veulent progresser dans l'agilité ou peut-être juste apprendre les bases. Est-ce que c'est une conférence pour découvrir l'agilité ? Il y a des gens qui viennent pour ça. Moi, je suis toujours étonné quand j'arrive là-bas et je croise des gens dans les couloirs qui me disent « je vais à tel cours ». Et c'est marrant d'utiliser ce mot-là parce que moi, j'y vais en disant que c'est des occasions de parler à des gens intéressants, de piquer des idées nouvelles. Donc ça, c'est aussi un des aspects de cette grosse conférence, c'est qu'elle est... Elle est importante dans le nombre de sessions, le nombre de personnes qui viennent, etc. Il y a un peu de quoi satisfaire tout le monde. Ça pouvait même, à un moment, on était un peu inquiet de cette croissance-là. On disait, est-ce que ça ne va pas être dommageable ? Est-ce que l'atmosphère d'échange ne va pas finir par être remise en cause par la montée en puissance de la conférence ? Et notamment grâce à Rachel Davis l'année dernière qui a introduit une métaphore très intéressante pour organiser la conférence, qui était celle d'un festival de musique. Donc on peut dire que c'est presque plus qu'une conférence, c'est tout un tas de conférences différentes mélangées ensemble. D'accord. Justement, comme tu l'as dit, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de monde, ça ne crée pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration de la part du public qui viendrait à manquer des conférences du fait de l'élargissement en fait, du nombre de slots en parallèle? Effectivement, aujourd'hui, là, on compte environ 25 sessions en parallèle, donc c'est effectivement impossible d'assister à toutes les sessions qui nous intéressent. Bon, il y a une frustration, c'est certain. On pourrait se demander si le niveau de frustration ne serait pas un critère de succès de la conférence. Plus les gens sont frustrés, plus la qualité de la conférence est élevée. Cette année, le niveau des sessions, a peut-être monté un petit peu, puisqu'on était plus sévère que l'année dernière. Donc potentiellement, il y aura plus de frustration. Cela dit, une des grandes forces aussi de la conférence, c'est qu'on peut croiser dans les couloirs des conférenciers qu'on n'a pas pu rencontrer lors de leur présentation précédente, et donc continuer à parler. Si on compare à XPD, par exemple, on trouve que les personnes qui sont actives en France. Mais là-bas, on trouve toutes les personnes actives dans le monde agile entièrement sur Terre. Donc on peut assez facilement croiser des personnes qu'on n'a absolument pas l'occasion de croiser autrement. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous citer quelques personnalités qui nous feraient... Qui feraient une... Bon, c'est un peu facile de faire du name dropping, hein, surtout en ce qui concerne cette conférence. Mais donc, de tête, on pourrait citer Jeff Sutherland, Mike Cohn, Alistair Coburn. Des personnes comme Dinah Larsen, Lisa Crispin. Si je me trompe, je vais me faire disputer par énormément de gens, mais... On a... Ah oui, bien sûr, les Open Geek également. Tu as relativement peu de chances de citer quelqu'un et t'apercevoir après que tu t'es trompé parce que cette personne ne vient pas. Ça, c'est vrai. Par contre, si j'oublie des gens, je risque de faire des jaloux. Donc, grosso modo, toutes les personnes qui comptent, ils sont plus des personnes spécialisées. Là, j'ai cité que les grands comptes. Hein, mais, donc, qu'est-ce qu'on pourrait citer, par exemple Moi, j'aurais envie de rajouter quand même que c'est un... C'est pas seulement des speakers, des sommités sur l'agilité de manière générale qui sont là. C'est vraiment, je pense vraiment que la métaphore du festival elle est intéressante parce qu'il y a, il y a un certain nombre de off maintenant dans la conférence agile. Alors il y a pour tous ceux qui s'intéressent au sujet software craftsmanship là. L'artisanat du logiciel. Il y a une conférence, ça nous a inquiété, je vais peut-être même me faire disputer par Eric parce que je parle de ça, c'est un peu concurrent. Il y a une conférence donc, sur le software craftsmanship qui se tient pendant Agile 2009 à deux pâtés de maison. Il y a la fameuse conférence PLOP, Pattern Languages of Programming, donc qui est la conférence annuelle qui a maintenant de nombreuses années d'existence sur les patterns. Donc on y retrouve toute la communauté des patterns. C'est une conférence qui s'organise, qui suit Agile 2000, qui suit Agile. Qui est juste après. D'accord. Il y a toujours, enfin, je veux dire, ça suit au niveau géographique. Oui, tout à fait. Toujours, c'est toujours au même endroit. C'est vraiment un certain nombre de conférences off. Qui accompagne la conférence officielle. Donc on peut venir interagir avec la communauté agile, mais avec également des communautés plus ciblées, la communauté Scrum, la communauté des patterns, la communauté des artisans. Y a comme ça un vrai ferment. Est-ce que Agile 2009, on peut facilement rencontrer la star de ses rêves? On a lu tous ses bouquins, on aimerait beaucoup échanger en direct avec lui. Faire sa connaissance. Est-ce qu'il y a des ateliers, des workshops qui sont organisés juste de discussion avec ces gens-là ou... Oui, complètement. Alors là, je suis peut-être mieux placé que Laurent pour répondre, beaucoup, puisque je suis quand même pas du tout connu. Tu es une grande star et tout le monde veut te rencontrer, c'est ça? Non, Laurent le serait, mais moi, pas du tout. Mais pour donner une idée, par exemple, l'année dernière, une des conditions selon lesquelles j'ai pu aller à la conférence, c'est qu'on m'a dit, d'accord, mais il faut absolument que tu te filmes, toi, avec des gens connus. Je dis, oula, mais... quand même, moi, je peux pas appeler les gens comme ça et leur dire, est-ce que vous avez 2 minutes pour moi? Et en fait, c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. J'ai envoyé un mail, par exemple, à Marie Popendick et je lui ai dit, si vraiment, vraiment, vous avez du temps, mais je me doute bien qu'on n'en avait pas, ce serait bien que vous nous consacriez 5 minutes pour faire une petite interview. Et de fait, elle a dit oui. Et le jeudi, il me semble, avec mon collègue Gilles Mantel l'année dernière, on a effectivement fait un enregistrement de 5 minutes et elle était très gentille avec nous. Elle nous a aidé d'ailleurs à positionner notre caméra. Nous étions complètement amateurs, donc c'était pas forcément facile pour nous. Mais elle a très gentiment répondu à nos questions. Cela dit, ça c'est parce qu'on a été plus proactif. Mais la conférence organise des choses pour ça également. Il y a une partie qui s'appelle Open Jam, qui est finalement une conférence dans la conférence, organisée avec le système Open Space Technology, qui incite les personnes présentes à parler à leurs voisins plutôt que rester passif face à un présentateur qui donc leur donnerait la petite cuillère la bonne parole. Donc oui, il y a des vrais moyens. Par contre, évidemment, tout le monde ne vient pas à cette conférence-là et les personnes connues sont quand même effectivement très très demandées. Beaucoup de personnes essaient de leur parler. Mais dans la mesure où ces personnes ont un peu de temps, c'est vraiment vraiment faisable. Beaucoup plus que dans des conférences plus traditionnelles, je dirais. D'accord. Et ça, Laurent, si on fait une perspective un petit peu historique, est-ce que quand il y avait moins de monde, justement, il y avait aussi cette ambiance-là conviviale de partage avec les speakers? C'était plus pratique à l'époque ou... En fait, cette grosse conférence-là, elle résulte de la fusion de deux conférences qui était, si je dis pas de bêtises, Agile XP Universe. XP Universe, mais l'autre, je pourrais pas dire. Voilà, ça commence déjà à se perdre dans les brumes de l'histoire, qui était déjà relativement importante l'une et l'autre. Moi, honnêtement, j'étais vraiment surpris la première année où j'ai assisté. J'étais un peu débordé, un peu submergé par la quantité de choses à voir. La deuxième année, j'étais déjà beaucoup plus ajusté. Donc, effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller boire des coups avec des gens qui étaient pour moi des personnages un peu mythiques, qui peuvent être d'ailleurs très accessibles. Ça dépend aussi de ce qu'ils présentent, du format que ça prend. Si on va assister à un workshop qui est animé par, au hasard, Johanna Hartmann, Western Derby, et que le sujet impose qu'il y ait une taille relativement restreinte, ça fait partie du jeu aussi que ces gens-là se donnent et construisent des occasions de discuter en direct avec les participants. Et puis il y a aussi des sessions où, pour x ou y raison, il y a moins de monde. Voilà, donc il faut essayer de repérer un petit peu ces petits coins cachés de la conférence. On va pouvoir tout d'un coup avoir une conversation beaucoup plus détendue. Que c'est sûr qu'on se retrouve dans une salle avec 300 personnes pour entendre parler par exemple Ron Jeffries. C'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher après pour l'inviter à prendre un verre. Mais c'est faisable. Toujours en essayant d'avoir ce point de vue historique là. Moi, pour moi, ce que j'avais retenu de Agile 2008, c'était que en fait, c'était un peu l'année de l'élargissement aux autres domaines de l'entreprise Agile. Déjà, est-ce que vous partagez ce constat? Et puis, quel serait votre pronostic sur un petit peu la tendance en 2009, sur vous qui avez l'occasion de voir, d'étudier précisément le programme? T'as regardé le programme? J'ai regardé le programme. Bon, le programme, c'est... Même s'il n'est pas aussi massif que l'année dernière, ça présente quand même, je ne sais plus, 250-300 sessions, quelque chose comme ça. On ne peut pas dégager de tendance ferme. Par rapport au programme, c'est un peu difficile à dire. Mon ressenti général par rapport à l'AJT, hein, c'est... L'année dernière, j'ai l'impression que c'était l'année glorieuse de l'agilité, où il y a une prise de conscience du monde informatique, et bon ben voilà, l'agilité, c'est là, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal, et... tiens, faudrait qu'on essaye. Je ne sais pas vraiment quelle va être la tendance cette année. J'aimerais bien que la tendance soit plutôt à une vision critique de l'agilité, parce que j'ai peur que des personnes absorbent, prennent ce qu'on leur donne sur étagère et l'appliquent directement sans forcément chercher à l'adapter correctement ou même simplement à critiquer certaines pratiques qui finalement sont si intelligentes que ça. Hein. C'est que des êtres humains qui ont eu toutes ces idées-là plutôt. Bon, ça, je demande à voir et je compte beaucoup sur la partie Open Space d'Agile 2009 pour mettre ça en avant. J'ai déjà quelques idées de sessions à présenter là-dessus. Enfin, je vais reprendre, je pense, la session Scrum est-il dangereux de XPD pour voir ce qui va se passer. Et là, je suis très curieux d'avoir les réactions parce que j'espère qu'il va y avoir des grands noms qui vont venir et peut-être des gens qui gagnent leur vie à dire que Scrum, c'est absolument génial. Et je serais très curieux d'avoir leurs réactions. Donc on lira avec attention ton retour sur la grande tendance 2009. Je crois qu'il faut regarder les tendances en fait dans l'année d'après. Moi, une chose qui m'a frappé, c'est qu'à la suite de la conférence 2008, j'ai vu pas mal de sujets sur Lean, Kanban, tout ce genre de choses-là. Ce qu'on a vu, c'est des conférences un peu plus petites se lancer pour parler de ces sujets un peu plus en détail. Donc en fait, c'est toujours un peu difficile de faire le bilan avant en disant quel va être le message marketing. je regarde Eric comme mort parce que voilà, le poste de responsable marketing, ça doit être un peu bizarre à assumer. Moi, j'ai plus l'impression, voilà, c'est une fête, on se retrouve tous ensemble. Il va se passer des choses pendant cette conférence. On va découvrir, par exemple, grâce à Brian Maric, qu'il faut maintenant s'intéresser au fromage. Je vous en dis pas plus, je laisse la surprise. Voir un certain nombre de conférences nouvelles émerger pendant l'année qui vient, qui vont un peu confirmer des thèmes. Alors voilà, est-ce qu'on va parler de rétrofuturisme artisanal? Vous le saurez dans le prochain épisode. D'accord. Mais c'est vrai qu'en fin d'année dernière, hein, en fin 2008, il y a des personnes comme Brian Murray et d'autres qui ont eu des positions assez anticonformistes, on va dire, hein, sur l'agilité. Et j'aimerais bien voir si cette année, à Agile 2009, ces personnes vont créer un mini-mouvement qui va faire que bon, bah, quelque chose de peut-être original va apparaître d'ici à fin 2009. C'est la chance d'Agile 2009 de pouvoir cristalliser ce genre de choses quand même. J'aimerais poser quelques questions ultra pratiques. Par exemple, quand on arrive à Chicago, là-bas, on va à Agile 2009, on revient avec beaucoup de goodies, on rencontre beaucoup de Français. C'est une conférence internationale, mais il n'y a aucun problème, il faut avoir l'esprit ouvert et rentrer dans la conférence comme ça et y aller direct. Il ne faut pas être impressionné par le fait de se rendre à Chicago, d'aller rencontrer des grandes pointures de l'agilité. Les gens sont extrêmement ouverts, hein. Les Nord-Américains, ça m'avait beaucoup frappé à Toronto l'année dernière, je pense que ce sera encore plus le cas à Chicago. Quand on arrive le matin pour prendre son petit déjeuner, parce que le petit déjeuner est offert, etc., à 8h, on s'assoit bêtement à une table à la française et on mange son petit croissant vaguement français local. Et tout de suite, quelqu'un s'assied à côté et dit bonjour, je crois qu'on n'a pas été présenté. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas été présenté parce qu'il y a 1500 personnes à qui on n'a pas été présenté. Mais pourtant, l'ambiance, peut-être le profil des personnes qui viennent font que très très vite, on se fait un mini réseau de personnes. En l'occurrence, l'année dernière, il y a une session de découverte hein, des autres participants. Icebreaker le lundi soir j'ai Gilles Mantel, mon collègue de Valtech, m'a dit tiens il y a cette fille là elle est assez marrante, je lui ai parlé tout à l'heure dis-lui bonjour. Alors j'ai dit bonjour et en fait on a un petit peu sympathisé et elle m'a présenté à quelqu'un d'autre qui m'a présenté à quelqu'un d'autre et je me suis retrouvé tous les soirs de la semaine à prendre des bières avec des gens que je connaissais pas deux jours avant. D'accord. Ça c'est bon, ça je pense c'est assez nord-américain, c'est plus difficile je pense dans les environnements francophones. Alors par contre, pour parler des francophones, oui, il y en aura là-bas. En général, ils sont assez faciles à repérer parce que les noms de famille quand même sonnent un peu français. Ce ne sont pas toujours des Français en l'occurrence, hein, souvent ce sont aussi des Québécois. Et cette année, j'ai repéré certaines personnes de Belgique, de Hollande francophone et de Québec qui viendront. Il y aura donc des sessions animées par des francophones. D'accord. Et des participants francophones, bien sûr. J'aimerais qu'on dise deux mots de Gordon Pascoward. Donc là, Laurent, c'est plutôt ta spécialité. Et oui, puis c'est aussi un grand souvenir parce que c'est vrai que c'est le prix que j'ai reçu la première année où je m'étais déplacé là-bas. Ça fait encore partie de ces conférences parallèles ou... C'est un peu différent. Alors, donc il y a tout un tas d'occasions de se retrouver, échanger, discuter. Le principe qu'il faut avoir en tête, c'est que la conférence n'est pas seulement un endroit où des gens connus et qui ont des choses à dire viennent faire leur show. C'est un endroit aussi qui peut inspirer des jeunes, hein, jeunes pas forcément en âge, mais jeunes dans la communauté agile, à s'apercevoir qu'eux aussi ils ont des trucs à dire. D'où le prix, la connexion n'est pas encore nette, mais j'y viens. Ça a été inventé parce que Brian Murray, qui à un moment faisait, parmi ses lectures, il s'intéressait à l'histoire des cybernéticiens anglais des années 50. Et donc il s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de personnes qu'on redécouvre un petit peu timidement aujourd'hui, qui avaient pour cette époque des idées assez géniales sur les systèmes, la complexité. Donc des choses maintenant qu'on commence à voir avec plus d'appréciation que les sciences de la complexité, par exemple, sont devenues une catégorie plus respectable. Il s'est dit, c'est quand même marrant que ce gars-là, Gordon Pask, par exemple, il n'a pas eu d'héritier au sens scientifique, il a inventé des choses phénoménales, une oreille semi-organique fabriquée à partir de cristaux, voilà, je ne sais pas si ça vous cadre un peu c'est un génie méconnu, et donc il s'est dit, bon, Peut-être que si à l'époque il y avait eu quelqu'un pour lui dire tiens, bah écoute, voilà des sous, va à des conférences, donne des présentations sur tes idées et ça fera peut-être des petits, il ne serait pas aussi facilement tombé dans l'oubli. Donc son pari c'était ça, c'était de dire identifions des gens dans la communauté agile qui contribuent quelque chose d'original, qui n'est pas forcément bouleversant. Mais dont on peut se dire ça vaut le coup d'être remarqué, ça vaut le coup d'être mis en avant. Donc il a structuré les choses d'une manière dont on peut discuter, mais enfin le jury donc du PASC Award est composé des précédents bénéficiaires du prix. On va dire le risque c'est que ça finisse par tourner en rond et devenir un autre clan. Mais en même temps, comme c'est des gens qui sont choisis pour leur petit grain, pour leur originalité, on peut espérer qu'au contraire, ça continue à s'ouvrir vers d'autres disciplines. Donc la récompense, c'est d'être inclus dans ce petit cercle ? C'est d'avoir un petit pécule pour aller à des conférences. Donc on a la personne qui reçoit le prix est encouragée à aller tout frais payé à une conférence ou deux, je crois que c'est deux conférences de son choix dans l'année. D'accord. Pour prêcher ce qui l'intéresse de prêcher. Donc, on essaie d'ailleurs même d'ouvrir ça éventuellement d'autres idées. Donc, à la limite, si j'espère que ça, le fait de dire ça encouragera des gens à trouver des idées complètement farfelu auquel personne n'aurait pensé, qu'on n'aurait pas du tout pu prévoir, et qu'elle sache que en faisant ça, on peut avoir l'espoir de gagner un jour un prix prestigieux. Ça a à peu près marché l'année dernière, hein. Si je me souviens des personnes qui ont eu le prix, il y a eu Hiranabe, le japonais, qui a été récompensé parce qu'il a diffusé l'agilité au Japon, mais aussi parce qu'il travaille sur des idées assez originales en rapport avec Lean et le mind mapping. Il y avait, alors j'oublie son nom, mais la personne qui s'occupait de faire du développement open source pour une société, pour une organisation non gouvernementale, Mano à Mano. Bob Payne. Bob Payne, voilà. Et enfin, le dernier, c'est le plus intéressant, je pense, Arlo Belchi, qui prend beaucoup de contre-pied sur les idées bien établies de l'agilité. Je me souviens avoir écouté un podcast où il était interviewé récemment, où il disait par exemple que. Lui, il avait, dans son expérience, ça n'était pas intéressant réellement d'évaluer le coût de production d'une fonctionnalité, que le seul critère intéressant était le gain business de la fonctionnalité. Alors, je ne dis pas que ça marche dans tous les cas, mais le simple fait de m'avoir dit un truc pareil, je dois dire, ça m'a fait un choc. Et franchement, là, je comprends qu'on aimerait bien que ce genre de personnes parlent plus en conférence. Oui, on va dire des penseurs indépendants. Alors Arlo s'était fait connaître aussi par un article qu'il avait écrit sur le binomage qui s'appelait Promiscuous Pairing. Donc il n'y a pas de critères établis, mais voilà, c'est des gens par exemple qui ont écrit un article extrêmement influent. L'une des raisons qui ont fait que le jury avait pensé que je méritais un prix, c'était donc d'avoir participé à la création des dojos de développement. Qui sont maintenant devenus effectivement une idée un peu standard dans le monde de ceux qui s'appellent artisans du logiciel. Bref, voilà, c'est vraiment cette idée de récompenser ou d'encourager plutôt des gens qui vont contribuer à ce que l'agilité soit pas quelque chose de dogmatique, mais connaissent aussi un certain renouvellement. Alors moi, ce que j'aimerais bien, ce qui serait peut-être par exemple dans mes souhaits pour les prochains bénéficiaires du prix, c'est qu'on distingue aussi des gens qui sont ouvertement critiques vis-à-vis de l'agilité. J'aimerais bien que... quand même pas donner encore un prix à Brian Merrick, il y en a déjà. il est gentiment critique, mais non, je pense qu'on peut trouver des gens qui ont un peu plus de mordant par rapport à nos idées, un peu plus de critique. Oui, mais ce qui est intéressant avec Grand Basque Award, c'est que c'est des gens qui ont déjà bien absorbé le message agile, qui l'ont complètement digéré et qui sont capables d'aller plus loin. Les gens qui disent « Oh là là, mais l'agilité, ça ne marchera jamais », bon, bah, ça, c'est pas très intéressant, ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Et donc, comment ça va se passer? Il va y avoir une sélection des personnes et qui va être faite pendant la conférence, c'est ça? C'est top secret. C'est top secret, oula! Non, c'est pas vrai. Mais c'est juste que c'est comme tous les ans, c'est organisé. On va dire que c'est semi-organisé. On a commencé à récolter des noms. Le principe, c'est que si vous pensez. Si la description qu'on vous a faite du prix vous fait penser à quelqu'un, il suffit de le signaler. On publiera l'adresse là sur le blog d'Eric ou sur la page où sera publié le podcast pour pouvoir nous dire vous savez, il y a un tel là, ça fait quelques mois que je vois ce qu'il fait dans la communauté agile à tel ou tel endroit et c'est génial, il a inventé tel truc. Il fait tel truc dont j'avais jamais entendu parler avant, peut-être qu'il serait méritant. N'hésitez pas à dénoncer vos petits camarades. D'accord, ce sera fait. Si on parle de... Allez, on va prendre un terme marketing, de facteur différenciant sur Agile 2009, par rapport à ces petites copines, les autres conférences, qu'est-ce qu'on pourrait citer vraiment de plus marquant? Bon, la grosse différence entre Agile 2009 et les autres, c'est que c'est la conférence, la one-stop conférence. On y trouve tout de l'introduction à des sujets, par exemple à MyCon, déjà pas n'importe qui fait des présentations sur comment faire des estimations, jusqu'à des sujets très très pointus. Donc grosso modo, on va dans un seul endroit, et pendant une semaine, on expose un peu tout ce qu'on pourrait potentiellement être de notre intérêt. Il y a ça, et également c'est l'endroit où la communauté agile se cristallise. Il y a d'autres conférences qui aident à renforcer cette communauté, mais quand vous venez de France par exemple et vous voulez connaître un petit peu les gens qui comptent dans la communauté agile, eh bien il faut aller dans cette conférence-là. D'accord. Et même sur des sujets techniques par exemple, on peut avoir des conférences très techniques sur l'intégration continue en concurrence avec KeyCon. Oui, alors tous les sujets sont abordés à Agile 2009, hein, il y a tellement de présentations, y compris l'intégration continue. Java contre JSON. Voilà, alors, donc il y a des conférences dédiées à tout ça, et c'est très très bien. Mais si on se dit, tiens, l'intégration continue, oui, bon, j'en ai fait un petit peu, mais je ne vais pas me déplacer pour une conférence pour ça. Et puis, j'aimerais bien aussi monter un petit peu en compétence sur l'organisation de rétrospective, eh bien, en une semaine, on aura tout. Et il n'y aura pas une seule session sur la rétrospective, il y en aura une bonne demi-douzaine et des plus ou moins avancées selon ce qu'on voudra. D'accord. Donc tu parles de montée en compétences, si on est français, je ne sais pas si tu t'es renseigné, est-ce que ça compte dans le DIF par exemple? On peut faire valoir ça auprès de son employeur? Non, ça a priori c'est pas jouable hein, pour D'accord. une organisation américaine. On ne pourra pas, parce qu'il faut s'enregistrer auprès des autorités compétentes en France. D'accord. Donc a priori ça c'est pas faisable. Ok. Quoique là-dessus, l'expérience me fait dire il faut demander aux organismes concernés et voir ce qu'ils disent. Ça ne coûte rien de demander, à part peut-être un peu de frustration. Et c'est quand même. Ça peut s'argumenter comme un projet de formation. Donc ce sera peut-être moins facile que des choses qui sont déclarées, qui ont un numéro, ceci, cela. Mais je pense que ça vaut le coup, même si. Même si on s'aperçoit que par exemple on arrive à le faire financer pas avec tel dispositif mais avec tel autre, ou que simplement le fait qu'on y mette de l'énergie montre à son boss que c'est on y croit, donc c'est vraiment du développement de compétences, c'est pas juste des vacances, et ça je pense que ça peut aussi causer des bonnes surprises. Je suis assez d'accord avec ça. Si vous aviez chacun quelque chose à ajouter, c'est peut-être le moment de conclure. Alors, moi, je crois que j'ai pu dire ce que je voulais. Alors, ce qui est quand même important, c'est de bien retenir que c'est une conférence où il y a de la place pour des personnes venant d'Europe, du Canada également, enfin du Canada francophone en tout cas. Ça n'est pas une conférence dédiée à des Américains vivant à Chicago. C'est la réunion des personnes de la communauté agile au niveau mondial. Donc, j'encourage énormément mes camarades non nord-américains à venir nous rejoindre. C'est extrêmement sympathique. On apprendra beaucoup de choses et c'est sans doute le point de départ de connexions futures, parce que moi-même, à chaque fois que j'y suis allé, ça va être la deuxième fois cette fois-là, mais je me suis fait des relations que avec lesquelles je garde le contact assez facilement. D'accord, merci. Et toi, Laurent, si tu devais donner envie à quelqu'un d'y aller, est-ce que tu pourrais donner sous forme de conclusion ? Sans répéter ce qu'a dit Eric, ça va pas être évident. Il faut y aller pour prendre un bain de foule et se dire que c'est vraiment comme ça qu'on participe pleinement à non seulement à apprendre ce que c'est que les approches agiles, mais aussi à les définir. Je pense vraiment toutes les personnes qui y vont et qui n'ont pas peur de se lancer dans des conversations, qui vont y aller, qui vont commencer à dire voilà les questions que je me pose. C'est peut-être bête, mais pourquoi on doit calculer la vélocité, pourquoi on doit estimer. Toutes ces personnes-là vont apporter leur petite pierre à l'édifice et faire avancer le schmilblick, et c'est ça que je trouve intéressant dans le fait de se retrouver à 1600 et quelques personnes. Il y a vraiment quelque chose de qualitativement différent de ce qui se passe par rapport aux interactions qu'on peut avoir au quotidien sur une mailing list ou via des forums. Le fait de se retrouver en vrai, d'avoir l'occasion de manger ensemble, de se poser des questions impertinentes, de voir quelle tête les gens ont en vrai, est-ce qu'ils hésitent quand ils répondent à une question embarrassante, voilà, tout ça contribue à construire quelque chose. D'accord, ben merci à tous les deux. Super content d'avoir fait cette petite entrevue avec vous. Et on se retrouve à Agile 2009. Avec plaisir. Rendez-vous à Chicago. Merci de nous avoir reçus.